Chapitre 2. La môme. Ophélie s'avança jusqu'à l'estrade en sentant sur elle des regards si brûlants de curiosité qu'elle se demanda si elle n'allait pas finir par prendre feu. Elle ignora de son mieux le clin d'œil polisson que lui adressa Archibald depuis sa table de jeu et gravit les marches blanches de l'estrade en se concentrant sur une seule pensée. « Mon avenir va dépendre de ce qui se jouera ici et maintenant. » Peut-être fût-ce à cause de la nervosité que lui inspirait Thorne, de la voilette en dentelle qui l'empêchait de voir correctement, de l'écharpe enroulée à son pied ou de sa maladresse pathologique. Le fait est qu'Ophélie heurta la dernière marche de l'escalier. Elle se serait étalée de tout son long si Thorne ne l'avait rattrapée au vol en lui empoignant le bras et en la rétablissant de force sur ses jambes. Ce raté n'échappa cependant à personne. Ni à Bérénilde, dont le sourire s'était figé, ni à la tante Roseline qui avait enfoui son visage dans ses mains, ni à la côte fêlée d'Ophélie qui pulsait rageusement contre son flanc. Il y eut des rires à travers tout le jardin de l'Oie, mais ils furent vite réprimés quand on s'aperçut que Farouk, lui, n'avait pas l'air de trouver la situation amusante du tout. Il n'avait pas bougé d'un cheveu depuis la fin de la partie, le coude toujours sur la table, l'air profondément ennuyé, ses favorites en diamant collées à son corps comme si elles en étaient le prolongement naturel. Ophélie elle-même avait oublié Thorne dès l'instant où l'esprit de famille avait posé sur elle son regard indéchiffrable, aux iris d'un bleu pâle, presque blanc. En fait, tout était blanc chez Farouk. Ses longs cheveux lisses, sa peau éternellement jeune, ses habits impériaux. Mais Ophélie, pour sa part, ne remarqua que ses yeux. Les esprits de famille étaient impressionnants par nature. Chaque arche, à une exception près, possédait le sien. Puissants et immortels, ils étaient les racines du grand arbre généalogique universel, les parents communs à toutes les grandes lignées. Les rares fois où Ophélie avait rencontré sa propre ancêtre sur Anima, Artemis, elle s'était sentie minuscule. Ce n'était pourtant rien en comparaison de ce que lui inspirait Farouk à cet instant. Ophélie était séparée de lui par la distance protocolaire et même ainsi, sa puissance psychique l'écrasait tandis qu'il l'observait avec une fixité de statue, sans un battement de paupières, sans un état d'âme. « Qui est-ce ?» demanda Farouk. Ophélie ne pouvait pas lui reprocher de ne pas se souvenir d'elle. La seule fois où ils s'étaient croisés, c'était de loin. Elle était travestie en valet et ils n'avaient pas échangé un seul regard. Elle fut déconcertée quand elle s'aperçut que la question incluait également Thorne et Bérénilde, sur lesquels Farouk avait reporté ses yeux inexpressifs. Ophélie savait que les esprits de famille possédaient une très mauvaise mémoire, mais tout de même, Thorne était le surintendant de la Citatielle et de toutes les provinces du pôle. En tant que tel, il avait la responsabilité des finances et d'une bonne partie de l'administration judiciaire. Quant à Bérénilde, elle était enceinte de Farouk, et la veille encore, ils avaient passé la nuit ensemble. Où est l'aide-mémoire ? Réclama Farouk. Je suis là, monseigneur. Un jeune homme, qui devait avoir à peu près l'âge d'Ophélie, surgit de derrière le fauteuil de Farouk. Il possédait le tatouage frontal et la beauté blonde du clan de la Toile, probablement un cousin d'Archibald. Monsieur l'ambassadeur a sollicité une audience afin de vous entretenir au sujet de la situation de votre intendant, Monsieur Thorne, de sa tante, Madame Bérénilde, et de sa fiancée, Mademoiselle Ophélie. L'aide-mémoire s'était exprimée d'une voix douce et patiente, en désignant tour à tour, à Farouk, les personnes qu'il nommait. Archibald s'était avancé le premier, son haut de forme posé de guingois sur ses cheveux mal peignés. Ophélie était certaine qu'il avait fait exprès de ne pas se raser. Plus l'instant était solennel, plus l'ambassadeur défiait les convenances. « À quel sujet ?» demanda Farouk, déjà accablé d'ennui. « Au sujet de la disparition du clan des dragons, monseigneur, » rappela l'aide-mémoire avec une douceur angélique. « Le funeste accident qui a coûté la vie à vos chasseurs. Monsieur Archibald vous a tout expliqué ce matin. » « Lisez, monseigneur, vous l'avez noté dans votre pense-bête. » L'aide-mémoire remit alors à Farouk un carnet dont les pages, à force d'être manipulées, étaient tout écornées. Avec une infinie lenteur, celui-ci décolla son coude de la table de jeu et le feuilleta. Les favorites s'adaptaient au moindre mouvement de son corps, délaçant leurs bras ici pour les relâcher aussitôt ailleurs. Ophélie observait la scène avec un mélange de fascination et de répulsion. Sous leurs diadèmes de diamants, leurs colliers de diamants et leurs bagues de diamants, elles ne ressemblaient plus tellement à des femmes. « Les dragons sont morts ?» dit Farouk. « Oui, monseigneur, » répondit l'aide-mémoire. « Vous l'avez écrit en dernier. »« Les dragons sont morts. » répéta-t-il cette fois en se relisant. Il marqua une longue hésitation, immobile comme un bloc de marbre, puis il tourna une autre page de son pense-bête. « Bérénild appartient au clan des dragons. Je l'ai écrit là. » Farouk avait déclaré cela en détachant chaque syllabe. L'accent du Nord prenait une ampleur d'orage dans sa bouche, un orage lointain, à peine audible, mais bel et bien menaçant. Quand il releva les yeux de son pense-bête, Ophélie y découvrit une lueur inquiétante qu'il n'y avait pas un instant plus tôt. « Où est Bérénild ?» Sans une phrase, sans une révérence, Bérénild s'avança vers lui pour lui caresser la joue avec la tendresse d'une véritable épouse. Cette fois, Farouk parut immédiatement la reconnaître. Il la contempla sans rien dire, lui non plus, mais Ophélie sentit qu'il y avait bien plus dans leur silence que dans tous les discours du monde. Ce fut Thorn qui, en faisant impatiemment claquer le couvercle de sa montre, brisa le charme. Farouk se remit alors en mouvement, avec la lenteur d'un iceberg à la dérive, s'empara du stylographe que lui tendit son aide-mémoire et ajouta une nouvelle note à son pense-bête. Ophélie se demanda s'il écrivait « Bérénild est vivante » afin de ne plus l'oublier. « Donc, madame, » reprit Farouk, « vous venez de perdre toute votre famille. Je vous présente mes condoléances. » Sa voix de cave ne trahissait aucune émotion. À croire que ce n'était pas une branche entière de sa propre descendance qui venait de disparaître dans un bain de sang. Fort heureusement, je ne suis pas la seule survivante, s'empressa de préciser Bérénild. Ma mère fait une cure en province. Ignorante des récents événements. Quant à mon neveu, ici présent, il va bientôt prendre femme. La relève des dragons est assurée. Ophélie eut presque de la peine. Un jour, elle essaierait d'annoncer à Bérénild que ce mariage-là resterait blanc et qu'il n'y aurait pas d'enfant. Lorsque des chuchotis de protestation s'élevèrent parmi les nobles, réunis autour de l'estrade des joueurs, le mot « bâtard » fut prononcé très distinctement. Thorn ne chercha même pas à défendre son honneur. Le front dégoulinant de sueur, il avait le nez collé au cadran de sa montre à gousset, à croire qu'il était en train de prendre un retard considérable dans son emploi du temps. « Voilà pourquoi j'ai sollicité cette audience !» intervint Archibald avec un large sourire. « Que vous le vouliez ou non, ma chère Bérénild, votre neveu n'a jamais été reconnu par les dragons, et votre mère n'est plus toute jeune. » D'ici peu, vous serez l'unique représentante de votre clan. Voilà qui remet en question votre position à la cour. Vous en conviendrez de bonne foi. La tirade fut accueillie par de petits applaudissements. En digne représentant de l'ambassade, Archibald avait exprimé tout haut ce que chacun pensait tout bas. Ophélie se retourna en entendant derrière elle un bruit de machine à écrire. Un greffier s'était installé à une table de joueurs et consignait tout ce qui se disait. « Pour cette raison, » enchaîna alors Archibald d'une voix claironnante, « j'ai offert à Madame Bérénild et à Mademoiselle Ophélie l'amitié officielle de ma famille. » La déclaration jeta un froid terrible dans le jardin de loi et les applaudissements cessèrent aussitôt. Les mirages ignoraient jusqu'à cet instant qu'une alliance avait été conclue entre Bérénild et le clan de la Toile. « Il s'agit d'une amitié diplomatique, pas d'une alliance militaire !» précisa Archibald avec l'expression hilare de celui qui raconte une bonne plaisanterie. La toile veut veiller à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux à ces dames, mais elle tient à préserver sa neutralité politique et à rester en dehors de vos petits meurtres de couloir. Nous nous engageons donc formellement à ne menacer la vie de personne, ni à engager quelqu'un pour le faire à notre place. Ophélie fut soufflée par la désinvolture dont Archibald faisait preuve pour aborder un sujet aussi grave. Elle nota également qu'il avait passé sous silence l'enjeu principal de la dite amitié. Bérénilde avait fait de lui le parrain officiel de son futur enfant, la descendance directe d'un esprit de famille. Ce n'était pourtant pas un petit détail. L'amitié de ma famille a ses propres limites, monseigneur, déclara Archibald à l'intention de Farouk. Accepteriez-vous de prendre vous-même ces femmes sous votre protection, ici, à la cour? Farouk l'écoutait à peine. Son corps était voûté d'ennui, coude sur les genoux, et tout ce qu'il possédait de concentration semblait réservé aux pense-bêtes qu'il feuilletait mollement. Ophélie se demanda d'où lui venait cette gêne qu'elle ressentait dans le bras, puis elle comprit que c'était la main de Thorn. Il ne l'avait plus relâchée depuis son faux pas, et il enfonçait ses longs doigts osseux dans sa chair. Il l'essaiera davantage quand Farouk se figea au milieu de son pense-bête et que ses sourcils blancs se haussèrent dans un mouvement sans fin. La liseuse. J'ai écrit ici que Bérénilde m'apporterait une liseuse. Où est-elle? Elle est ici, monseigneur, dit l'aide-mémoire en désignant Ophélie. À côté de monsieur son fiancé. Nous y voilà, songea Ophélie, qui noua ses mains pour calmer leur tremblement. Oh, dit Farouk en refermant son pense-bête. C'est donc elle. Un silence tomba sur l'assemblée quand il s'approcha d'Ophélie et s'accroupit devant elle, pareil à un adulte qui se mettrait à la hauteur d'un enfant. Elle ne s'était pas préparée à un tel face-à-face. Farouk souleva la voilette de dentelle pour examiner son visage avec un parfait sans-gêne. Tandis qu'il la dévisageait longuement, attentivement, Ophélie lutta de toutes ses forces pour ne pas prendre ses jambes à son cou. La puissance mentale de Farouk lui brouillait la vue, lui déchirait la tête, la submergeait corps et âme. « Elle est abîmée, » constata-t-il d'une voix déçue, comme s'il y avait escroquerie sur la marchandise. Le greffier tapa consciencieusement ses mots sur sa machine à écrire. « Et puis, » poursuivit Farouk, « je n'aime pas les mômes. » Ophélie comprenait mieux pourquoi personne ne faisait allusion à la grossesse de Bérénilde devant lui. Elle respira profondément. Si elle ne prenait pas la parole, là, maintenant, tout son avenir en serait compromis. Elle échangea un bref regard avec la tante Roseline qui lui faisait signe de s'exprimer franchement, puis elle considéra bien en face le visage de Farouk, sa beauté inhumaine, en s'obligeant à ne surtout pas en détourner les yeux. « Je ne suis peut-être pas ce qu'on peut appeler une grande personne, mais je ne suis plus une môme. » Ophélie possédait une toute petite voix qui ne portait pas loin et qui l'obligeait souvent à répéter ses phrases. Aussi avait-elle puisé dans ses poumons le souffle nécessaire pour se faire entendre de tous les gens présents sur l'estrade. Elle ne s'adressait pas seulement à Farouk, mais à Thorn, à Bérénilde, à Archibald, à toutes ces personnes qui avaient pris la fâcheuse habitude de la traiter comme une fillette. Farouk tapota pensivement sa lèvre inférieure, puis il rouvrit son pense-bête aux premières pages. Ophélie était suffisamment près pour deviner, à l'envers, une écriture maladroite et un nombre impressionnant de croquis. Farouk s'attarda sur le dessin d'un bonhomme avec des bras comme des bâtons, des boucles coloriées en marron-orange et une grosse paire de lunettes. « C'est Artémis, » expliqua-t-il de sa voix traînante. « Puisqu'elle est ma sœur, et puisqu'elle est votre esprit de famille, Je suppose que cela fait de vous une sorte d'arrière, arrière, arrière, arrière, petite nièce. Oui, finit-il par admettre en louchant sur le dessin. Je suppose que vous me faites un peu penser à elle. Surtout les lunettes. Ophélie se demanda quand Farouk avait vu sa sœur pour la dernière fois, parce qu'Artémis ressemblait à tout, sauf à ce gribouillis, et qu'elle ne portait pas de lunettes. Les esprits de famille ne quittaient jamais leur arche. Ils avaient peut-être partagé une enfance commune autrefois, avant la déchirure, mais ils ne semblaient pas en conserver un souvenir très vif. Ils n'avaient aucune mémoire, un possible effet secondaire de leur prodigieuse longévité, et cela auréolait de mystère leur passé, le passé de l'humanité entière, en fait. Même Ophélie, toute liseuse fut-elle, ne savait rien de leur histoire personnelle. Elle se demandait parfois s'ils avaient eu eux-mêmes des parents, à une époque très reculée. « Donc, petite d'Artémis, reprit Farouk, vous savez lire le passé des objets. »« À mon grand regret, » soupira Ophélie. C'est la seule chose que je sache faire convenablement de mes 10 doigts. Ça, et s'enfuir à travers les miroirs, mais c'était plus difficile à caser dans des références professionnelles. Ne le regrettez pas. Un éclat venait de s'allumer sous les paupières tombantes de Farouk. D'un geste à la lenteur interminable, il plongea une main à l'intérieur de son grand manteau impérial et en sortit un ouvrage dont la reliure était incrustée de pierres précieuses. Proportionnellement à la taille de Farouk, c'était un livre de poche. À l'échelle d'Ophélie, c'était l'équivalent d'une encyclopédie. « Vous pourriez, par exemple, lire mon livre ?» L'appréhension qu'elle éprouva en voyant cet objet fut presque aussi vive que sa curiosité. Un livre comme celui-là méritait bien sa majuscule. Ophélie avait longtemps cru qu'il n'en existait qu'un seul de cette sorte sur Anima dans les archives privées d'Artémis. Un document si singulier et si ancien que les meilleurs liseurs, dont elle faisait partie, n'étaient jamais parvenus à le décrypter. En arrivant au pôle, Ophélie n'avait pas seulement appris qu'il y en avait d'autres à travers les arches, elle avait surtout découvert que celui de Farouk était l'enjeu central de son mariage. Aussi, quand elle vit enfin de ses propres yeux ce livre auquel son destin était lié, Ophélie sentit ses mains la démanger et se tendre instinctivement vers lui. En perçant son secret, elle pourrait peut-être se libérer. « Pas elle !» Cette voix lugubre avait résonné comme un gong funéraire. C'était la première fois que Thor ne prenait la parole depuis le début de l'entrevue. Il semblait avoir attendu cet instant précis pour tirer brusquement sur le bras d'Ophélie de façon à la faire reculer et la placer derrière lui, bien cachée dans son ombre. « Moi !» Toujours accroupi, son livre dans les mains, Farouk battit des paupières en haussant les yeux vers Thorn, hébété, comme s'il avait été arraché à une sieste. « C'est moi qui lirai votre livre !» répéta Thorn d'un ton catégorique. « Quand j'aurai hérité le pouvoir de ma femme, dans 4 mois et 9 jours, et que j'aurai appris à m'en servir, c'est dans notre contrat !» Thorn rangea sa montre à gousset, plongea les doigts dans une poche extérieure de son uniforme et déploya d'un coup sec un papier administratif. Son autre main n'avait toujours pas lâché sa fiancée. Ophélie savait que ce geste-là n'était ni affectueux ni protecteur. C'était un avertissement lancé à Farouk et à toute sa cour. Lui, Thorn, avait la propriété exclusive de son don de liseuse. Elle se contracta de la tête aux pieds. De toutes les découvertes qu'elle avait faites au pôle, celle-ci était de loin la plus répugnante. La cérémonie du don était un rituel nuptial au cours duquel les deux époux se communiquaient leurs pouvoirs familiaux respectifs. Thorn s'était bien gardé de dire à Ophélie qu'il avait organisé leur mariage dans la seule intention d'hériter de son animisme et de faire ses propres preuves en tant que liseur. Il tenait de sa mère une mémoire prodigieuse et semblait penser que l'accouplement de leurs pouvoirs familiaux lui permettrait de remonter assez loin dans le temps pour déchiffrer le livre de Farouk. Thorne n'était pas intéressé par la démarche historique en elle-même, il ne songeait qu'à son ambition personnelle. « Prendrez-vous ma fiancée et ma tante sous votre protection d'ici à mon mariage ?» insista Thorne. « Ainsi que tous les animistes qui viendraient au pôle afin d'entretenir avec eux de bons rapports diplomatiques. » Certes, l'accent du Nord était particulièrement marqué chez lui, durcissant chaque syllabe, mais on aurait vraiment cru que demander cette faveur à Farouk lui écorchait les lèvres. Bérénilde, pour sa part, observait un silence tranquille. Il fallait bien la connaître pour savoir que le velouté de son sourire cachait une certaine inquiétude. Ophélie était consciente qu'ils jouaient ensemble sur les planches d'un théâtre, devant un public qui n'attendait qu'une fausse note pour les huer. Chaque mot, chaque intonation, chaque expression corporelle avait son importance. Mais sur cette scène, Thorne restait son plus grand adversaire. À cause de lui, on ne retiendrait d'elle que l'image d'une femme tapie dans l'ombre de son mari. Farouk relut d'un air maussade les termes du contrat que Thorne lui présentait, puis il rangea le livre dans son manteau et se redressa muscle après muscle, articulation après articulation, jusqu'à se mettre entièrement debout. Thorne était grand. Farouk était gigantesque. « Si elle n'est bonne qu'à lire, et que je ne peux pas lui demander de lire, » dit-il lentement, « à quoi donc vais-je l'employer? Je n'accepte dans mon entourage que des personnes capables de me distraire. » C'était maintenant ou jamais. Ophélie quitta l'ombre de Thorne, obligeant ce dernier à lui lâcher le bras, puis elle hissa les yeux vers Farouk de façon à le regarder en face, et tant pis pour la douleur que cela impliquait. « Je ne suis pas distrayante, mais je peux me rendre utile. Je tenais un musée sur Anima. Je pourrais en ouvrir un ici. Un musée, c'est comme une mémoire. » Souligna-t-elle en choisissant bien ses mots. « C'est comme votre pense-bête ?» Ophélie ne pouvait pas voir l'expression de Thorne, mais elle eut droit à celle de Bérénilde qui ne souriait plus du tout. Ce n'était certainement pas ce à quoi elle pensait quand elle lui avait demandé de faire bonne impression. Ophélie ignora de son mieux les murmures choqués qui montaient de l'assistance autour de l'estrade. Avec cette requête, elle avait probablement transgressé la moitié des règles de l'étiquette. « Quel genre de musée teniez-vous ? » demanda Farouk. « Histoire primitive !» répondit précipitamment Ophélie, soulagée d'avoir réussi à éveiller sa curiosité. « Tout ce qui a trait à l'Ancien Monde. Je suis évidemment capable de m'adapter à vos ressources historiques. » Farouk parut réellement intéressé. Et l'espace d'un instant, Ophélie crut avoir enfin décroché son musée, son indépendance et sa liberté. Aussi fut-elle incrédule quand elle entendit la réponse fidèlement retranscrite par la machine à écrire du greffier. « Histoire, donc. Parfait. Petite d'Artémis, vous me raconterez des histoires. Ce sera le prix de la protection que je vous accorde, à vous et à votre famille. Je vous nomme vice-conteuse.